J'ai vu dans un nuage la course des chevaux d'une horde sauvage lancée au grand galop. Dans un grondement sourd, suivi du feu du ciel, lâchant sur leur parcours les plus torrentiels, le vent s'engouffrant nous comme un voleur pressé, aussi libre qu'un loup, rapide comme une pensée, moteur des gouttes d'eau qui s'infiltre partout. Il y a comme un fléau qui s'abat sur nous. Passe, fléau, passe, nettoie la terre des hommes, libère-les de la crasse. Passe, fléau, passe, et brise l'orgueil de ceux qui se prennent pour des dieux. Abat les cathédrales, déracine les châteaux, emporte les piédestals, les couronnes, les joyaux. Défonce chaque muraille, arrache chaque serrure, comme des fétus de paille, masquant toutes ses souillures. Passe, fléau, passe, nettoie la terre des hommes, libère-les de la crasse. Passe, fléau, passe, et brise l'orgueil de ceux qui se prennent pour des dieux. La course des chevaux, et cette horde sauvage nous libérera bientôt. Faut-il qu'on soit si frêle ou si peu courageux pour s'en remettre au ciel quand tout mérite le feu? J'ai vu dans un nuage la course des chevaux d'une horde sauvage lancée au grand galop. Dans un grondement sourd, suivi du feu du ciel, lâchant sur leur parcours